13. Le festin de l'atelier. Monsieur Léonard revint lui-même en se frottant les mains devant cette tête improvisée. Et de près et de loin, elle lui semblait toujours pleine d'espérance, et il faisait claquer ses doigts, en roulant sur ses lèvres son souffle, à l'imitation du syrinx. C'était sa fanfare quand il avait la joie au cœur. « Je vous le demande, se dit-il à lui-même, ce bambino, qui casse ainsi sa coquille, ne sera-t-il pas un aigle s'il a le temps de pousser toutes ses plumes ? Je me fais une joie de le voir un jour éclore en tout complet. Il m'échauffe, moi, ce petit malhonnête, j'en suis fou. Il aura la gloire un peu raide, tant pis. Mais il aura de la gloire, et, ma foi, elle est bonne à respirer en passant. Il est vrai que c'est plutôt un parfum qu'une substance, mais elle sèche la boue, dont nos sentiers sont froids, pour nous qui marchons à pied. Enfin, je l'aime mieux que ce petit magasin de mode, fort joli d'ailleurs, mais qui n'a dans sa tête que des chapeaux et des aigrettes. Paul du moins avait ceci dans la sienne. C'est une leçon qui en vaut bien une autre et qui ne nuira pas à mon tableau. Il s'agit pour l'instant d'autre chose. Vous ne devineriez jamais jusqu'où vont mes prétentions au bonheur. Depuis que l'homme du corridor est venu me demander notre argent pour retourner en Flandre, il m'a remis tout ce cher pays devant les yeux. Et bien que je ne sois pas un Lucullus de ma nature, je sens pourtant renaître en moi la sympathie d'un mets délicieux. « Vraiment, dit sa nièce avec une surprise mêlée de quelques craintes de ne pouvoir réaliser ce rêve d'autrefois. « Enfin, ma pauvre Ondine, c'est le désir d'un génie en travail. Mais mon amour pour la peinture dormira jusqu'à ce que vous m'ayez servi, avec un certain luxe, une pomme de terre dorée sous la cendre ou dans le four de ce poêle, heureusement incrustée dans le mur, comme un ami qui dit « Tu me retrouveras ». Vous y ajouterez, s'il est possible, le beurre le plus délicieux de la capitale, afin qu'il ressemble à celui de Riolet, où je tâcherai que nous retournions un jour, chercher mon ruisseau qui fait faire l'école buissonnière. Qu'en dites-vous ? Ah, mon oncle, c'est bien simple, répondit-elle gaiement, en s'élançant pour appeler Élisabeth. Vous aurez cela pour votre dîner. Vous ne m'avez pas du tout compris, chère demoiselle. Si vous allez faire préparer cette fête ailleurs que dans mon atelier, où serait le souvenir qui doit l'assaisonner de son doux parfum ? C'est là, dans le four ranimé de ce poêle, où nous allons mettre le feu, pour peu qu'Élisabeth ait du bois. D'ailleurs, il n'en manque pas dans le corridor. Dussions-nous en égayer une cellule tout entière, une cellule pour un feu de joie. C'est le plus grand coup de tête que je me sois permis contre les couvents, que je n'aimais guère. Rien n'est plus sain durant l'été qu'un grand feu dans les appartements au nord, comme nos ateliers si rarement ouverts. Quelle idée sanitaire ! Allez vite, procurez-vous seulement la pomme de terre, baignée dans 3 eaux pures. Je me charge du feu avec ce briquet phosphorique. Il ne faut pas que d'autres mains que les nôtres touchent cette espèce d'offrande à nos prénates absents. Tandis qu'elle cuira cette belle invention de Parmentier, bulbeuse et blanche comme une amande, telle qu'il nous l'a rendue, ce bon philanthrope dont on oublie toujours d'élever la statue. Pendant cela, vous me raconterez quelque chose, comme on faisait autrefois chez mon frère Félix, quand ma mère y vivait encore, et lui aussi, et que vous étiez haute comme ma grande boîte à couleurs. Quand je faisais votre portrait, vous assis sur votre petite chaise, tenant gravement votre poupée dans vos bras, et lui faisant manger vos gâteaux, que vous digériez fort bien, toute seule, généreuse enfant. Enfin, vous faisiez comme quelques philanthropes de nos jours, un peu moins réels pour les autres que notre créateur de la pomme de terre. J'ai gardé ce petit portrait curieux d'époque et de contraste. Je crains seulement qu'il ne vous rappelle ce que je vous chantais alors, sur vos 3 vêtements du matin, qui n'étaient jamais de la même longueur. Vous en ressouvenez-vous ? « Non, mon oncle, du portrait non plus. »« C'est étonnant, car c'est une de vos premières douleurs de coquetterie. Elle était déjà manifeste, et vous aviez 4 ans. Et comme j'étais plus gai qu'à présent, j'essayais de fouetter votre amour propre en chantant. Elle est à 3 étages dans son ajustement. D'abord, ma satire vous rendait immobile, et comme vous étiez attentive et oppressée, je reprenais plus fort. Elle est à 3 étages dans son ajustement. Votre mère me lançait des yeux. De mère. » quand on s'attaque à sa progéniture, et vous alliez vous réfugier à l'ombre de sa jupe, et vous osiez de là me crier. Non, vous sentez que c'était un appel au refrain salutaire. Elle est à 3 étages. Alors, quand vous cachiez votre figure rouge et en larmes dans les genoux de votre faible mère, qui m'eût battu de bon cœur, je dansais autour de vous deux, en chantant de toutes mes forces. Dans son ajustement, dans son ajustement. Voilà ce que j'ai peur que vous ne me pardonniez jamais. Oh, si, mon oncle, quand je m'en ressouviendrai. Et votre bon père me faisait signe de chanter autre chose, ce qui m'était impossible. parce que c'était pour le bien de tout votre avenir. Il vous glissait une pomme de terre cuite à point, que votre excellente grand-mère lui passait en dessous pour vous consoler. Vous la mangiez en me regardant et en sanglotant un peu, mais triomphante de cette gâterie qui dérangeait mon plan d'éducation. Quoi, vous me faisiez pleurer, mon oncle ? C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Vous n'en étiez pas moins jolie comme un cœur, avec une sorte de grand casque de gaz, aussi haut que vous, et orné d'une dizaine d'aunes de rubans tricolores, ce qui vous donnait l'air de la cocarde de toute votre famille. Mais à vos longs cheveux de lin, à votre minois d'ange, et à la poupée que vous nourrissiez dans vos bras, on reconnaissait l'enfant. C'est ainsi que je vous ai là, dans quelques cartons, que nous visiterons ensemble, quand nous aurons le temps de rire une heure et de nous jeter au long dans ces jours de joie ou de tristesse éternelle. « Mon oncle, dit la jeune fille avec émotion, en rapprochant son doigt de l'œil humide de M. Léonard, « bah, répartit-il en se détournant, vous croyez qu'on est aussi faible que vous ? Songez aux préparatifs du gala, et ne vous inquiétez pas de mes yeux, il ne faut pas devenir trop familière. » Peu d'instants après, Ondine rentra légère, contente d'exhaler son bonheur, car il y en avait eu pour elle dans le brusque adieu d'Yorick, dans ce nom de loup qu'il s'était attiré, pour elle peut-être. Elle courait sans toucher terre, quand elle s'arrêta tout à coup avec saisissement devant la petite Diane, nouvelle habitante de l'atelier, cachée encore dans un coin, attendant son piédestal. « Ah, c'est vrai, dit-elle, et ses mains se portèrent involontairement sur sa poitrine émue. « Vous êtes-vous fait mal ? Demanda M. Léonard. « Mon Dieu, non, au contraire. « Restez un peu là que je vous regarde. Vous voilà tel que je vous ai rencontré au temps de vos trois étages, dans une longue allée qui traversait la maison de votre père. On y avait déposé un grand Saint-Nicolas tombé de sa niche, dans la terreur, et à qui vous faisiez la révérence. J'en avais peur, mon oncle. Il n'avait pas donné, sa longue crosse paraissait s'agiter dans l'ombre pour m'atteindre, quand je passais en me rapetissant. Je lui disais ma prière, quand vous m'avez rencontré. Je ne glissais jamais dans cette allée noire, que les genoux tremblants. Il ployait tout seul devant le saint, qui m'imprimait de l'effroi mêlé à je ne sais quel amour, car on le faisait patron des écoliers. De plus, il me semblait malheureux et offensé dans ce coin si loin de son paradis, et je lui faisais l'hommage de ma flatterie pour qu'il me laissât le courage de m'envoler au fond de la maison quand on m'en commandait d'y aller seul. C'est très vrai, je vous y retrouvais là tout à l'heure. Mais cette femme de marbre et de Paganis ne ressemble en rien au patron des écoliers, bien qu'elle doive être le modèle des jeunes filles, sauf Endymion. Vous n'avez, je crois, aucune raison d'avoir peur en passant devant elle. C'est autre chose, mon oncle, c'est une personne de plus qu'on croit voir. Ce n'est pas du tout cette terreur, oh non, mon oncle, ce n'est plus cela, dit-elle en levant ses yeux brillants vers le ciel. Votre régal ne sera jamais prêt pour la faim que j'en ai, interrompit M. Léonard, prenant sa place devant la statue. Ondine s'élança de nouveau chez Élisabeth, et il demeura plongé dans une admiration contemplative et sainte, devant ce chef-d'œuvre, descendu comme par un miracle dans son indigent atelier, mais qu'il aurait pu dessiner de mémoire, tant il avait passé d'heures à l'étude et à l'adoration des marbres du musée. « Ce candide allemand ne sait pas combien il s'est inscrit mal dans vos papiers, dit-il à sa nièce, pendant qu'il faisait le ménage. Il vous donne là une leçon de simplicité assez piquante avec son air de ne pas y toucher. « Je ne lui en veux pas, mon oncle. Il ne veut pas me faire de peine, et j'ai un moyen de ne pas me séparer des bagues, sans les porter sur mes mains. Je les cacherai là, sous ma collerette, passées dans un ruban. Elles me porteront bonheur. Il n'y paraîtra pas, et j'aurai l'air d'avoir une montre. On nous croira riches, mon oncle. » Et elle rit. « Ouvrez un peu la porte, dit M. Léonard. Il fait une chaleur à mourir au 20 mai. C'est mon idée de faire du feu aussi. Enfin, je disais que ce bon et beau jeune homme n'aura pas grand succès près des femmes. » Avec tout son agresse et un peu brusque. Brusque ? Ah, mon oncle, c'est sincère que vous voulez dire. Oui, oui, brusque, franc, vrai, sincère, c'est la même chose. Suivant elle. Ah, mon Dieu, que je les connais toutes. Et il rêvait, et le feu roulait. Et on dit d'en regarder alternativement Diane et Raphaël rêveur. Heureuse fille, ses traits étaient inondés de sourires. Une de vos sœurs, par exemple, la meilleure personne du monde, liseuse intrépide, qui mourra fille et aveugle, à force de poursuivre dans les romans une ombre qu'elle voudrait pour mari, savez-vous ce qu'elle m'a répondu un jour que je lui proposais le parti le plus honorable, un général, un Genevois de 25 ans? Elle en avait 19. Il était bon comme elle, plus beau qu'elle, grand, blond, bien taillé, plein de probité, d'une fortune certes fort au-dessus de celle qu'elle devait jamais espérer, elle pauvre comme vous, Ondine, et ne sachant pas mettre un œil et un autre œil sur la même ligne. Mais l'amoureux Genevois était horloger, et pas un de ses héros de roman ne faisait des montres. Désespoir, il la trouvait charmante pourtant, tout en la regardant lire à travers la fenêtre devant laquelle il passait timidement deux fois par jour. Il s'était mis au cœur et à la tête que c'était là sa femme, son Ève, pour son Éden à lui, pauvre horloger de Genève. Celle qui lui était promise par le ciel en légitime mariage, pour rester à son côté, nichée dans sa vie, dans sa république et dans son laboratoire, lisant tout bas ou tout haut à sa volonté à elle, tandis qu'il ferait, lui, des horloges, des montres, minutieux chefs-d'œuvre, qui confondent l'intelligence humaine. Savez-vous ce qu'elle me répondit, votre sœur Cécile, quand, après que ce jeune homme et honnête amant fut venu se jeter à mon cou, pour me révéler ce que je vous dis, je courus vers elle lui dérouler cet avenir de bien-être, de lecture et de félicité domestique. Elle me répliqua sérieuse et irrévocable. « Ah, mon oncle, vous allez beau dire, ce n'est pas là Saint-Preux. Veillez au festin, Ondine, car je ne veux pas m'arrêter sur un tel souvenir ni sur tel ou tel autre qui ne me vaut rien quand j'ai la volonté ferme d'un moment de bonheur. On dit qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est ce qui tranquillise les riches sur ceux qui ne le sont pas, ces pauvres riches, sans cette idée tout à fait endormante, ils passeraient d'assez mauvaises nuits. À nous donc ces hasards dorés que nous nous faisons couver dans nos décombres. Eh bien, vous ne dites rien de votre sœur ? Je parie que vous me répondriez quelques sentences de cette force, si quelques jours en allemand, par exemple, vous demandait en mariage. » Monsieur Léonard ne savait guère ce qu'il faisait en jetant ce mot à travers le cœur de sa nièce. Les gens raisonnables se trompent quelquefois, sur ceux qui ne le sont pas encore. Une vive et énivrante lumière fut portée tout à coup au fond de son inexpérience et de sa vague tristesse. Quoi ? L'on pourrait un jour, elle pauvre et orpheline, la demander en mariage ? Et ce serait peut-être un Allemand, grand Dieu, ce serait peut-être Yorick. Elle resta à sa place, rougissante et troublée, mais persuadée, fixée comme s'il l'avait demandé lui-même, et qu'elle eût répondu « J'accepte Yorick, et je ne veux pas de Saint-Preux. » « Qu'est-ce que c'est donc que Saint-Preux, mon oncle, dit-elle en s'arrachant à son cœur, ouvrant de force un chemin à sa voix, qui n'aurait osé nommer Yorick. « Saint-Preux, ma foi, cela ne vous regarde pas. Vous voilà déjà curieuse de ce nom, qui a fait tourner tant de têtes d'alors. Quand vous trouveriez un mari du même nom, pensez-vous qu'il eût son caractère et ses grâces ? Prenez quelqu'un qui se nomme Pierre, Jacques ou Raymond. Vous serez heureux si on l'appelle avant tout honnête homme. Vous êtes rouge comme la flamme maintenant. Quand je vous dis d'ouvrir... » « C'est vrai, mon oncle. Pardon, mon oncle, » répondit-elle, en détachant avec peine ses pieds du sol. Un espoir saisissant, une atmosphère brûlante, la faisait marcher comme au travers d'un rêve, et agir d'habitude comme une somnambule. Hélas, qu'on ne la réveille pas. En revenant d'ouvrir, elle se posa devant son oncle, les yeux baissés, saintement émus, cherchant des mots pour lui dire qu'elle acceptait Yorick devant lui, son oncle, et devant Dieu. Mais il l'interrompit, et ce moment de révélation se refoula dans un cœur qui venait de se marier jusque dans la mort. « Allons donc, petite, vous êtes là immobile. Du beurre, du sel et du beurre !» cria M. Léonard, car le parfum du four annonce qu'il est temps de l'ouvrir. « Élisabeth vous l'apporte, mon oncle, » dit-elle en se brûlant un peu pour aider son oncle. Élisabeth, en effet, parut à la porte ouverte, tenant le beurre sur un panier blanc. M. Léonard le lui enleva des mains. « Attendez donc, monsieur, » dit Élisabeth, « que je vous le présente sur une coquille. C'est par trop sans gêne aussi. Élisabeth, je vous déclare que j'accepte ce papier blanc. Vous ne savez pas quel souvenir vous désenchanteriez par votre toilette de fils. Mon Dieu, j'avais bien besoin de coquilles, quand j'étais écolier et que j'aimais le beurre, comme une caresse de ma mère. Voilà comme je l'emportais triomphant dans ma chambre, pour partager avec un camarade, qui ne voudrait pas le croire aujourd'hui, car c'est un grand artiste. Et les grands artistes, Élisabeth, écoutez bien, les grands artistes ont peur aujourd'hui de mourir pauvres, comme Poussin. Ils ne veulent plus vendre leur chef-d'œuvre immortel sans écu, comme fit Poussin. Ils font bien, car c'était aussi par trop bon marché. Ils ont frémi de tristesse, d'indignation. J'espère, en s'inclinant devant son déluge à lui, son impérissable déluge, en pensant que le grand Poussin, car il était très grand, Élisabeth, était mort dans l'indigence et nu, pauvre grand homme. De là, nos artistes illustres ont tous fait sur sa tombe, comme sur un autel, le serment d'être riches. Et ils le sont, on dit même un peu avares. Mais cela les regarde seuls. ils ne mangent plus de beurre en papier blanc, et leur hôtel ne s'ouvre pas souvent à leurs anciens camarades restés pauvres, parce qu'ils ont toujours cette diable de peur de mourir nus comme poussins, parce qu'ils se ressouviennent que les grands sont sans pitié pour l'homme obscur et sans maison. Je suis de ceux-là, Élisabeth. Vous faites pourtant ma volonté comme si j'avais 100 000 livres de rente. C'est que vous êtes une excellente femme. Aussi l'ai-je dit à ma nièce. J'ai la ferme intention d'acquérir un peu d'aisance pour elle et pour vous. Laissez-moi donc ce signe rémunérateur, et abandonnez-moi à mon humble félicité, s'il vous plaît. » Élisabeth, qui aimait et respectait M. Léonard, ne se révolta point contre sa fantaisie, et remonta paisible à son fourneau. Ils étaient à peine seuls, Condine poussa un grand « Ah, mon Dieu !» qui fit retourner M. Léonard avec vivacité. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il en voyant une longue trace huileuse qui circulait au milieu de l'atelier. « Quel est ce prodige ?»« Sur quoi donc avez-vous mis le beurre ? » s'écria la jeune artiste. « Parbleu, sur le poêle, dit le peintre, consterné, et sur ma belle palette d'écailles, que voilà » poursuivit-il en se la montrant à lui-même, sans avoir le courage de s'en saisir, laide comme elle était devenue, posée en effet sur le poêle par M. Léonard, tandis qu'il parlait du poussin. « Oui, c'est peut-être cela, » reprit-il, en la retrouvant bien digne de son étonnement et de sa confusion. « Informe, rôtie, racornie, décolorée, affreuse. Allons, » s'écria-t-il indigné de sa distraction, « voilà nos biens, nos joujoux, nos voluptés de ce monde. Devenez donc avare après cela, comme si tout ne vous échappait point par toutes les voies. » Cette belle palette que M. Léonard déplorait en jurant, il l'aimait, car c'était le présent d'un vieil ami. Il la retournait donc avec regret et un peu d'humiliation, lorsque sa nièce, suivant des yeux les progrès de cette trace envahissante, la vit près d'atteindre l'étoile et les tableaux sans cadre qui garnissaient le mur. « Miséricorde, dit-elle, voyez mon oncle, tout s'en mêle, voyez !» Il vit aussi le pauvre M. Léonard et s'élança avec la rapidité d'un jeune homme pour sauver la toile mystérieuse. L'impétuosité de son mouvement la fit tomber en arrière, et la jeune fille resta muette, immobile de surprise, en reconnaissant une belle femme qui l'avait aimée, enfant, peinte assise au milieu d'un jardin dont les fleurs l'entouraient, riante et seule, et brillante comme une déesse. « Ciel, dit-elle, c'est... » Monsieur Léonard, pâle à la mort, mit sa main sur la bouche entrouverte de sa nièce, et cherchant à se rendre maître d'une terrible émotion, balbutia « Oui, c'est elle. Vous la reconnaissez, n'est-ce pas ? Vous l'avez bien connue quand vous étiez petite. Vous l'avez aimée, n'est-il pas vrai ? Tout le monde l'aimait, cette belle... » « Cette bonne, cette cruelle, ne la nommez pas. Je vous en prie, pas encore. Je ne pourrai en ce moment entendre ce nom-là. » Il s'appuya un peu faible contre la muraille et respira péniblement.